Elle fait mal à la tête, poteau. Elle me rend bête, mais je l'aime trop, je l'ai même en photo. Je lui dis pas, mais sur la tête de ma mère, je l'aime trop. J'ai son odeur sur mon t-shirt, t'imagines pas, poteau. Elle aime pas trop quand je suis dans le ghetto. Je suis sur la moto, je vais chasser les motards. Elle me dit, fais attention, s'il te plaît, rentre tôt. Des fois, elle me fait la gueule, elle m'insulte, vieux connard. N'écoute pas, Léon m'a dit, encore moi, les astres pareils. C'est pour la vie, si tu veux pas je disparais. Je vais l'avoir perdu tes haines là quand je fais pas de disquare. Si tu veux de moi un roi, je ferai de toi une reine. Quand je suis avec elle, j'oublie la tête, j'oublie tous mes problèmes. Quand je suis avec elle, j'oublie la tête, j'oublie tous mes problèmes. Elle me rend fou, elle me rend fou, pas elle me dit que je suis fou. Je tous les jours dans le fou. Je pense à elle tous les jours. Elle me rend fou. Elle me dit que je suis fou. Tous les jours dans le fou. Pense à elle tous les jours. Tous les jours. Trop belle au naturel, je t'en parle même pas maquillée. Pour elle, je monte au sommet, juste avec un maquilla. Crise de jalousie, elle me dit c'est qui cette fille-là. Si on se voit de moins en moins, c'est que je dois faire des maps et ça. T'es rentré dans ma vie, ma haine tu l'as apaisée. Reste à la main, j'ai envie de l'embrasser. Elle me dit que je lui manque, elle a envie de m'enlacer. Sœur de GAV, elle veut remettre mes lacets. Elle me demande de faire un choix entre elle et les billets. Je lui réponds gentiment, c'est pas elle qui va m'habiller. Elle est partie sans se retourner, elle m'a même dit de l'oublier. Elle me rend fou. Elle me dit que je suis fou. Tous les jours dans le fou. Je pense à elle tous les jours. Elle me rend fou. Elle me dit que je suis fou. Tous les jours dans le fou. Je pense à elle tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours.